tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Donc on va débuter l'émission avec bien sûr l'accordéon, avec tout simplement avec Olivier Solac. C'est du Madison, et puis juste après on écoutera tout simplement de la tarentelle. Bon après-midi à vous tous et à vous toutes.

cha-cha, cha-cha-cha, le mambo et la salsa, la salsa, et balance à petit pas, se déhanche, il faut voir ça, faut voir ça, c'est la plus belle de Cuba, de Cuba, elle remue du haut en bas, et elle s'appelle Awanita, Awanita, tous les hommes en sont babas. Avec tout simplement la Java blanche. Et puis juste après avec Jean-Pierre, avec le titre s'appelle On y va. Sophie, peux-tu nous expliquer? Allez, vas-y, Jean-Pierre. On est tous solidaires. Un morceau, c'est du polka. minutes. Merci de rester fidèle à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc, eh bien, je vous laisse avec la valse en premier avec André Verschuren, le deuxième Chaubriva, et juste après La Fox avec Louis le Grand. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Voilà donc, eh bien, voici donc la valse. Thank you.

fiesta dans le Grenade. On danse à la plaza, sous les yeux de l'arcade. Ah bien sur la Rambla, ah bien sous les arcades. Ton cœur le comprendra, ce soir c'est la fiesta. Une guitare souffle un chant très doux, la lune au ciel semble briller pour nous. L'amour nous tend les bras, il joue des sérénades, le bonheur est par là, ce soir c'est la fiesta. Mais j'ai bien trop peur le café. Allez! Chers auditeurs, Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Voici donc bien, du côté maintenant du Passé Noble, un petit coucou à Vérose à l'écoute, disons la princesse tout simplement. La chose faite, voilà donc pour elle, voici les morceaux de Passé Noble qu'elle aime bien. Donc les voici. Arc-en-Ciel, un amour de FM. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Voici donc le tango et puis juste après le country. Thank you. Voici donc qui vient le country avec Jérôme Richard, le country, puis juste après le Madison. Radio Arc-en-Ciel. bien et raconte ses mémoires. Ce gentleman dans son frac disait poupée, si je claque, je veux que ça soit dans un lac. Écoute-moi bien, j'avais 30 ans. Écoute-moi bien, j'étais 30 ans. Je n'avais pas encore de dents en or. Les femmes se battaient pour m'approcher. Regarde-moi bien, qu'est-ce que t'en penses? Regarde-moi bien, tu me trouves l'errance. Mais fallait pas voir danser le Charleston quand j'avais 30 ans à Cano Canton. Regarde-moi bien, tu me trouves l'avance. Mais fallait pas voir danser le Charleston quand j'avais 30 ans à Cano Canton. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Voici donc la samba. Il s'appelle Léon Retter. Et je vous laisse avec tout simplement Yvette Horner. Un peu de musique avec tout simplement le cha-cha-cha. le chat t'aimait bien les jolies matoutes. C'est la valse tyrolienne. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, un amour de FM. Qui s'appelle tout simplement, eh bien, Gilou. Le titre s'appelle tout simplement l'accordéon. Mon copain, c'est l'accordéon. De l'amant de Saint-Jean et dans tous les petits bals de France, tu en as amené des danses. Je revois mon père et ma mère un jour de juillet à nos jours. Toi, l'accordéon populaire, tu fêtais leurs noces d'argent. J'aime le musette et mon copain c'est l'accordéon. Quand j'entends l'ambiance guinguette, ça me fait comme un petit frisson. Échanger ce serait trop bête, mais il n'en est pas question. J'y veux rien, j'aime le musette, mon copain c'est l'accordéon. Voici, ça s'appelle tout simplement le sertaki, ici, tout simplement l'accordéon basque. Un amour de la femme. Voici donc le titre s'appelle tout simplement Valse Musette. Oh, Arc-en-Ciel, un amour de FM. Voici donc bien les programmations pour demain. On sera donc bien lundi. Donc voici les programmes pour demain lundi. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Voilà, donc puis juste après, à partir de 9h jusqu'à midi, vous allez retrouver l'émission Vers Matin avec Jean-Pierre. Et puis juste en soirée, à partir de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver 100% Union avec Fernanda, puis suivi de Manu on the Rock entre 19h jusqu'à 21h, et puis entre 21h jusqu'à 23h avec Rémi. Et le titre de l'émission, c'est la rédac du sport. Voilà donc les émissions pour demain, lundi. Avec Michel Prouveau, puis juste après lui, on écoutera du Passo.

voici donc bien Jean Ardoin, l'infiste. Restez dans la festa avec un autre morceau avec tout simplement André Lopes. We'll be right back. de se dire au revoir. Alors, écoutez bien. Voici le dernier disque. Voilà donc ce morceau qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver prochainement, qui est l'heure bientôt finie, bientôt 16h. Donc voici donc la dernière chanson de l'émission. Voilà donc, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi pour l'émission d'accordéon qu'on va se retrouver le mois prochain, donc eh bien dimanche prochain à partir de 13h30 et puis on se retrouve dans la semaine pour d'autres émissions différentes. Voilà donc, eh bien je vous dis bonsoir à tous et à toutes.